sombre décor. J'ai fait voler ton nom si haut, comme je l'ai rêvé si fort. J'étais, je crois, frôlé du doigt, sans jamais vraiment te toucher. Il me faudra du temps, je crois, pour un jour jamais t'embrasser. Tu sais, j'ai cru t'entendre rire, j'en garde moi le souvenir. Je me rappelle, c'était hier, ou quelque part dans ma mémoire. J'ai tenté de fermer les yeux, j'ai attendu et puis j'ai vu. Je t'ai connu, je t'ai connu. Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagues restes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois. Non, jamais je ne t'ai oublié, je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Pour toi je resterai debout, mon tendre espoir, comme j'ose y croire. Et je te chanterai jusqu'au dernier soupir, jusqu'au dernier rempart, jusqu'au dernier regard. Dans le feu, dans le fer, je brandirai ton nom. Dans la folie guerrière, je porterai ton blason. Mon tendre espoir, quand vient le soir, tu t'évanouis, tu fuis, tu fuis. Oh, mais je te garde, c'est promis, même au tréfonds de longues nuits. Et quand vient l'aurore se pose, ton souffle sur mes échymoses, tu viens les guérir en silence. Ton souvenir seul les pense. Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagues restes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois. Non, jamais je ne t'ai oublié, je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagues restes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois. Non, jamais je ne t'ai oublié, je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'à la dernière étincelle.